Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la France libre dirigé par Henri Foucrot. Émission préenregistrée le 23 juillet 2014. Elle est diffusée mardi 19 août 2014 de 18h à 21h, mercredi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck et Benoît. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Donc vous êtes sur Radio Courtoisie, nous voici ensemble à nouveau. C'est une émission, je rappelle, qui a été enregistrée, donc pas la peine de téléphoner, personne ne vous répondra. Dans le studio, Jacques Miard, député de la Nation, qui va nous parler de beaucoup de choses. Le professeur de sciences économiques, Jean-Pierre Vesperini. Alors, je rappelle Jean-Pierre Vesperini parce que c'est très important. Vous avez fait un petit livre qui s'appelle « L'euro ». J'en ai déjà parlé ici. L'euro, c'est... Oui, merci, c'est vrai. Mais c'est parce que, surtout, c'est pour une chose, c'est que vous expliquez exactement quels sont les vices et les vertus de l'euro, avec trois vices fondamentaux que je rappelle à chaque fois, l'intangibilité du taux de change, l'unicité du taux de change et la multiplicité des intérêts. Et ça, pour comprendre le problème de l'euro, moi je vous le dis, en plus ça coûte pas cher du tout, c'est à 2 francs 6 sous, ça doit être 3,50 $. Non, 3 euros. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. 3 euros. Quand même, tenir les prix. C'est un peu plus cher. Un peu plus cher. Ah, il veut pas descendre. Si j'étais en dollars, ce serait moins cher. Il veut pas descendre les prix, le professeur. Monsieur le professeur, on continue sur ce que vous étiez en train de dire, c'est important, sur l'affaire de la Banque Centrale Européenne, les décisions de Draghi, l'union, il y a aussi l'union bancaire en plus qui se profile dans tout ce que vous êtes en train de nous dire. Jacques Miard posait une question, pourquoi on a attendu autant de temps entre juin et septembre? Il y a aussi le problème des élections européennes. Et des élections, commission, etc., c'est pas encore déterminé. Oui, mais je crois que c'est indépendant de la technique. Mais Jean-Pierre Vesperini va nous répondre. Oui, non, c'est le délai est dû à des raisons, oui, des raisons techniques, parce que c'est extrêmement complexe. Oh là. Puis il faut voir. Enfin, il y a quand même un nombre très important de pays, de systèmes bancaires différents, de banques différentes. Donc. C'est compréhensible. Oui. Alors, pour ce qui est des rachats de la dette souveraine, alors, est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, qu'il passera le pas, et vous nous avez dit à l'instant qu'il ne le fera pas s'il n'y a pas d'inflation? Oui, s'il n'y a pas d'inflation... Enfin, disons que ce que je vous ai dit, c'est un peu le sentiment général des marchés. Autrement dit, tout le monde est convaincu que s'il y a d'inflation... Il le fera. Maintenant, la question que je me pose, j'ai peut-être un point de vue un peu différent du sentiment général des marchés, c'est que, c'est évidemment une opinion personnelle et très liée à ce que j'ai écrit justement dans l'euro dont parlait Henri Foucrot, c'est que je pense que le système de l'euro est un système qui est vicié originellement, qui ne peut pas fonctionner, non. Et qui entraîne nécessairement des déséquilibres au sein de la zone euro, qui ont été au fond les responsables d'ailleurs des crises, mais c'est un point qu'on voit assez mal en général, c'est qu'on voit uniquement les problèmes sous un angle monétaire, financier. Hein. Alors, en réalité, les problèmes monétaires ou financiers qui existent, bien sûr, sont le reflet de déséquilibre dans l'économie réelle. Hein. C'est, autrement dit, pour préciser les choses, je pense que la zone euro vit aujourd'hui avec un système de taux de change C'est totalement inadapté. Et on n'en a évidemment pas conscience parce que ces taux de change sont complètement virtuels. Bien sûr, autrement dit, il n'y a pas de franc et de marque, c'est la même chose. Mais il n'empêche que les économies françaises et allemandes sont différentes. Elles ont des coûts du travail différents, des prix sur leurs échanges qui sont différents. Et... ce qui entraîne des déséquilibres au sein de l'économie réelle. Hein. De manière plus précise, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on voit, c'est des excédents considérables de l'Allemagne sur toute la zone euro et sur, d'ailleurs, le reste du monde, et inversement, des déficits considérables sur les autres pays, avec une remarque, cette nuance près qui était extrêmement importante, c'est que maintenant, les déficits ont disparu dans les pays dits du sud de l'Europe, c'est-à-dire en Italie et en Espagne, les déficits, ou même en Grèce, ces déficits, j'entends des déficits des opérations courantes, hein, ces déficits ont disparu tout simplement parce que ces économies ont été massacrées. Oui, oui. C'est-à-dire que on a massacré la demande interne dans ces pays, donc il n'y a plus d'importation. Et du coup, évidemment, elles ont rétabli l'équilibre de leur balance si courante. Si vous pouviez conclure, monsieur le professeur, parce que on a fait une heure. Mais je voudrais quand même rester, Henri, sur ce point précis, parce que ça, c'est assez peu connu. On vous assène, notamment dans les milieux bien-pensants, les Eurobéa de service, que vous voyez bien, ça marche, puisqu'ils rétablissent leur balance des paiements. Mais le problème, c'est qu'ils n'importent plus rien. Rien. Oui, c'est pas bon pour nous. Donc, bien sûr, ça affaiblit l'ensemble. Donc, je crois que le professeur Esperini doit véritablement marteler que c'est de la politique à la Pyrrhus. Absolument. C'est de la politique à la Pyrrhus. Et sur le plan économie, ces gens-là sont toujours en déséquilibre. Oui. Le jour où ils vont vouloir à nouveau consommer, il y a à nouveau un déséquilibre. Bien sûr. Et donc, tout simplement parce qu'ils sont dans un taux de change qui les étrangle, oui, comme nous avons un taux de change qui nous étrangle. Absolument. Exactement. C'est bon, monsieur. Alors, je voudrais. On va essayer, si vous le permettez. On va changer parce que Jacques Myard a des choses à dire. Je vais rester quand même un petit peu sur les problèmes des banques. Et je vais faire une transition avec les collectivités territoriales qui intéressent le député Jacques Myard. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui est important. On n'en parle pas trop, ce sont les emprunts toxiques, c'est l'affaire Dexia. J'ai quelques chiffres là actuellement de ce que ça va nous coûter, c'est 42 milliards qui vont être payés en plus de ce qui devait être payé. Alors, il y a quelque chose qui vient de passer en disant qu'on va atténuer, etc. Mais étant donné que Dexia est maintenant une entreprise qui a été nationalisée en partie, une partie pour la Belgique, une partie pour la France, c'est nous qui allons payer les 42 milliards. Ça vous étonne ? Non, pas du tout. Alors, ça nous ramène à cette histoire d'union bancaire, dans laquelle on dit, vous allez voir, ce n'est plus les États qui vont payer, mais on va lever petit à petit une taxe pour que ça soit effectivement les banques qui, si jamais il y a un crack de l'une d'entre elles, puissent payer la facture. Simplement, on sait très bien que pour monter en puissance, ce qui est prévu actuellement d'ailleurs, ce n'est pas du tout à la hauteur, le fonds de garantie n'est pas du tout à la hauteur de ce qui pourrait être un crash systémique. Et c'est illusoire, parce que même quand le fonds de garantie sera monté en puissance, il ne sera pas du tout à la hauteur d'un choc systémique. Et donc, ce sera toujours les États, et les États sont les contribuables. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Ou bien, on efface toutes les dettes. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ne se retrouvent avec rien, qui sont réunis, que ce soit des rentiers, que ce soit des institutions financières. Et des retraités. Mais il faut arrêter de dire que, effectivement, eh bien, en créant l'union bancaire, on aura un mécanisme qui permettra de payer s'il y a un déficit, s'il y a un crack bancaire. Je suis désolé, une fois qu'on aura épuisé le fonds de garantie, et ce fonds de garantie, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais n'est absolument pas à la hauteur. Et j'ajoute une chose, c'est que, vous le savez, les Allemands ont exigé que, bien évidemment, ça ne concerne qu'un certain nombre de banques. Donc, au total, dans l'Union européenne, de mémoire, mais j'en suis même certain, il n'y a qu'environ 125 banques qui vont être concernées, et que, notamment, toutes les Landesbank, les Sparkassen allemandes, sont hors, justement, l'Union bancaire. J'ajoute que l'Union bancaire, c'est aussi un contrôle, a priori, qui est fait actuellement, avec notamment un cabinet d'audit américain qui va entrer dans les entrailles de l'ensemble et les comptes de l'ensemble de nos banques pour ensuite les donner à qui bien vous sûr. Pouvez admettre, car j'ai jamais vu surtout un cabinet d'audit américain qui fait ce travail, qui ne rend pas des comptes à la CIA. Absolument. Donc on marche sur la tête et ce système doit être dénoncé avec force. Je peux même vous dire qu'un certain nombre de banquiers de la place de Paris se sont plaints à moi, je dirais, de la cette espèce de bureaucratie et de contrôle permanent qu'on exige. Il faut des règles prudentielles. Bien sûr. Il faut des règles prudentielles. Mais de la manière dont c'est fait et de la manière dont c'est conduit par la Banque Centrale Européenne avec un cabinet d'audit américain, c'est franchement insolent et inadmissible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il en est de même pour les amendes infligées actuellement par les banques américaines, enfin par la justice américaine. Ça pose le problème de l'extraterritorialité sur la BNP. C'est vrai que la BNP avait été avertie, mais il est clair que moi j'ai des doutes très sérieux sur, au regard du droit international de la légalité de la loi américaine face au droit international public et notamment sur le chef de juridiction. Car jusqu'à nouvel ordre, vouloir attraire des opérations devant sa juridiction, c'est-à-dire devant les tribunaux américains pour des affaires qui ont lieu totalement hors les États-Unis, voilà. Certes réglées en dollars, et on va nous dire mais il y a une compensation aux États-Unis, est-ce que ça justifie en soi le fait que ça soit en dollars et qu'il y ait compensation aux États-Unis, est-ce que ça justifie en soi un chef de juridiction? C'est parfaitement contestable. J'ajoute que si on veut demander aussi des explications notamment aux banques américaines, je voudrais qu'on nous explique que effectivement le gouvernement français demande à la commission de mener une campagne, une enquête sur Goldman Sachs dont les conseils avertis entre guillemets notamment à la Grèce ont fait perdre aux contribuables européens en général la bagatelle de 120 milliards d'euros. Donc là il me semble que la meilleure réponse du berger à la bergère, c'eût été de dire aux Américains, bah écoutez, c'est très simple, on va aussi regarder ce qu'a fait Goldman Sachs. Et là, quand on touche à Goldman Sachs, qui est l'école nationale d'administration américaine, eh bien, vous touchez directement au département du Trésor aux États-Unis, puisque, comme vous le savez, lorsqu'il y a une majorité, eh bien, il prend les gens de Goldman Sachs au département du Trésor, et quand il s'agit d'une autre majorité, ces mêmes gens vont à Goldman Sachs et dans l'élévateur d'idées et reviennent ensuite lorsqu'il y a alternance. Donc, il y a un moment, il faut parler clair. Et je suis véritablement désolé et même scandalisé par le fait que le gouvernement français et les Européens se sont couchés littéralement devant les Américains. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ma vision de la défense de nos intérêts. Monsieur Lépé, je vais même... Excusez-moi. Je voulais simplement dire une chose. C'est que dans cette affaire où on met des amendes à des banques, où on va les forcer à faire des choses, c'est-à-dire ça va se terminer par une seule chose, c'est qu'on va obliger les banques, pour payer un peu moins d'amendes, de dénoncer un certain nombre de clients de leurs clients, et là comme ça les Américains, une fois alors, de plus, seront vous faites allusion, Henri, et je sais que Jean-Pierre veut ajouter quelque chose, vous faites allusion à cette nouvelle loi américaine qui veut, pour éviter la fraude des citoyens américains, exige des banques non américaines et notamment européennes, qu'elles leur communiquent le nom et les mouvements des comptes de personnes américaines absolument. Résidant en Europe ou qui ne le sont pas ou qui pourraient être résidents aux États-Unis mais qui ont des comptes en Europe. Effectivement, là encore, ça pose quand même quelques problèmes. La fraude fiscale n'est pas acceptable, non. Puisque nous-mêmes, Français, estimons que nous perdons beaucoup d'argent pour le budget de l'État dans la fraude fiscale. Mais il y a méthode et méthode. Ça ne peut se concevoir que s'il y a un accord entre les deux États, c'est-à-dire dire, entre la France et les États-Unis, et que, effectivement, sur la base de cet accord, on communique via les administrations fiscales un certain nombre de documents. Mais que le gouvernement américain, à travers cette loi, c'est-à-dire cette loi du fort, c'est-à-dire de la juridiction américaine, exige directement auprès des banques un certain nombre d'informations, ce n'est pas acceptable. La loi de 1980, d'ailleurs, qui a été votée par le Parlement et que j'ai eu à appliquer lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques, interdit notamment aux banques américaines de venir enquêter sur le sol français pour ensuite faire des procès, notamment en matière d'antitrust aux États-Unis. Donc on est dans le même cas de figure. Je crois que là encore, ça demande une réaction forte, mais je constate que aujourd'hui, la politique étrangère française est véritablement vassale de Washington à un point qui est à peine croyable. Absolument. Monsieur Jean-Pierre Vespérini. Oui, non, je voulais juste ajouter un mot à ce que vient de dire Jacques Maire. Je suis évidemment, comme lui, tout à fait choqué par le comportement des autorités américaines vis-à-vis de la BNP. Je pense, là, je ne peux pas dire sur le plan juridique si le comportement des autorités américaines est justifié ou pas. Hein. C'est ça difficile à dire. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le problème n'est pas tellement un problème juridique, enfin de droit international. C'est un problème de droit américain. C'est que là, en l'occurrence, la BNP ne pouvait rien faire puisque finalement, si elle ne payait pas l'amende, elle perdait sa licence aux États-Unis. Donc là, on est en plein. Bien sûr. Mais c'est un chantage. Non, du chantage. Oui. C'est du chantage. Je suis désolé, c'est l'application extraterritoriale des lois américaines. Ne tombez pas dans le panneau des Américains, Jean-Pierre Vespérini. On américanise le monde. C'est pas moi. C'est non. Mais je sais bien. Le panneau, c'est la les dirigeants de la BNP. La BNP s'est dit, elle a pesé et sous-pesé. Oui. Elle a dû dire, bon, peut-être que c'est extraterritorial, etc., mais si je perds ma licence, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est qu'il peut y avoir aussi Goldman Sachs qui ira faire des affaires ailleurs qu'en Europe. Bien sûr. Donc là, il y a un moment où la réciprocité dans les relations internationales, c'est le fondement même de la sagesse. Le drame aujourd'hui des États-Unis, c'est l'hubris, n'est-ce pas ? Ils ne se sentent plus. On dirait ma concierge. Bon, et donc il y a un moment, ce sont effectivement nos alliés, des amis intuitus personnels lorsqu'on connaît les Américains, parce qu'il y a des gens extrêmement sympathiques et intéressants aux États-Unis, mais de grâce, regardez leur méthode. Donc vous savez, Virgile disait déjà il y a 2000 ans, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Eh bien c'est le cas, et puis c'est tout. Moi qui ai, je dirais, traiter les Américains, entre guillemets, lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques, ils m'ont vite respecté, parce qu'il y a un moment, j'ai dit, c'est comme ça et pas autrement. Bon, donc, il faut savoir se défendre. Or, aujourd'hui, ni l'Europe, parce que les truffés d'agents américains, je le dis comme je le pense, dans un certain nombre de commissaires qui sont tous passés aux États-Unis quand on regarde leur CV, ils ont véritablement, je dirais, les mêmes opinions. Lorsque vous regardez que M. Draghi est un ancien de Goldman Sachs, que M. Le gouverneur de la Banque centrale en Grèce est un ancien de Goldman Sachs, qu'en Angleterre, c'est également la même chose, eh bien, vous avez effectivement une sorte d'osmose de l'idéologie américaine. Et il n'y a que nous qui résistons, du moins pas tant que ça. Alors merci au député Jacques Miard. On va, si vous le permettez, revenir. On est venu le mois dernier sur l'affaire des collectivités territoriales, de ce qu'on appelle le millefeuille. Je voudrais, Jacques Miard, que vous rappeliez aux éditeurs quel est le problème avec ces lois les unes après les autres, parce qu'en définitive, on cherche à faire quelques économies, mais je pense qu'on est en train de développer la dépense. Alors, c'est un sujet grave, et contrairement à ce que dit le gouvernement socialiste, au lieu de simplifier, on est en train de complexifier avec à la clé des dangers très sérieux pour l'unité nationale. Premièrement, il faut rappeler que François Hollande disait il y a encore, ou déclarait haut et fort il y a quelques mois, que les départements avaient toute leur justification en France et qu'il fallait les renforcer et pas les supprimer. Et puis tout d'un coup, politique à 180 degrés, on fait véritablement un grand tournant et on change d'avis. Et qu'est-ce qu'il propose ? De créer 13 régions, de supprimer les départements et de faire des intercommunalités très fortes en dessous. Alors, pour expliquer à nos auditeurs, il faut savoir qu'effectivement, début juillet, les députés ont voté, et bien sûr je ne l'ai pas voté, la création de 13 régions. 13 régions, sans qu'on connaisse, il faut le savoir, quelles seront leurs compétences. C'est-à-dire que ça va faire l'objet d'une loi qui va venir après. C'est-à-dire qu'on a simplement découpé sur le territoire national 13 régions, les compétences viendront. Et bien évidemment, comme les départements sont inscrits dans la Constitution et qu'il n'a pas la majorité pour modifier la Constitution, il garde une sorte de coquille vide du département, mais tous les pouvoirs vont passer aux régions. C'est-à-dire que vous allez avoir de très grandes zones géographiques qui vont être gouvernées par des régions dans des conditions qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît ni le mode de scrutin, ni les compétences. Mais le risque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la reconstitution de la France du Moyen-Âge. Bien sûr. C'est la reconstitution des fiefs et hauts barons locaux. Et comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, ici le duc d'Aquitaine, là le duc de Bourgogne, là la Lotharingie reconstituée, la duchesse de Bretagne, qui vont bien évidemment pas se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes. Et j'ai pris un exemple, j'ai dit, vous pensez pas que le duc de Bordeaux va simplement, ouvrir une bouteille de Bordeaux pour le goûter. Il va être à la tête d'une puissance territoriale, et donc je dénonce que l'on mette en place cette espèce de processus, de logiciel de puissance, de logiciel de pouvoir, qui va mettre en péril, je le dis bien, qui va mettre en péril l'unité nationale chèrement acquise. Car ce qui s'est passé à la Révolution, c'est pour justement faire passer les réformes, ça a d'abord été de casser les parlements régionaux qui ont été, comme vous le savez, dogmatiques, corporatistes et réactionnaires. Et donc, au lieu de modifier, on va accentuer le retour au Moyen-Âge. Et je pense que c'est une faute monumentale. Et puis tout ça vous donne bien évidemment un écho bruxellois, parce que Bruxelles souhaite avoir un conseil des régions, ne plus avoir en face de lui un État fort qui lui dit non et qui le gouverne, mais bien évidemment des régions qu'il va pouvoir, pense-t-il, mieux manœuvrer. Donc tout cela est véritablement pitoyable. On va vous dire, mais vous allez faire des économies, on ne fera aucune économie. Parce que comment voulez-vous gouverner, entre guillemets, des régions gigantesques, 13 au total, si vous n'avez pas des moyens administratifs puissants pour justement essayer de garder une certaine cohérence de ces régions ? Alors, en dessous de ça, on va mettre en place, et c'est le cas en région parisienne, des intercommunalités d'environ 300, 350 000 habitants. Là encore, aucun affectio societatis, c'est-à-dire aucune véritable volonté des populations de se sentir appartenir à quelque chose qui est un tout, sauf la commune, qui est véritablement, depuis des temps multiséculaires, ancrée dans le territoire, et le département qui a réussi à se faire sa place. Mais là encore, on va se retrouver dans des très grosses intercommunalités. Et qu'est-ce qui va en pâtir ? Eh bien, la démocratie. Parce que le lien de proximité, le lien d'identification entre un individu et la collectivité territoriale va être complètement évanescent. Vous allez pouvoir vous plaindre auprès du maire parce que vous l'avez sous la main. Vous allez pouvoir même le rencontrer dans la rue et lui dire son fait. C'est ça la démocratie. C'est ça la proximité. Et ne jamais oublier que le maire est le premier guichet de l'administration avec un grand A. Mais à partir du moment où ça va être une conurbation de 350 000 habitants avec des multiplicités de communes à l'intérieur, eh bien, soyez assurés que si vous avez une plainte, le président de la collectivité territoriale de l'intercommunalité, il ne vous recevra même pas. Et donc, on perd en proximité, en efficacité et en identité. Donc, ces socialistes sont en train de jouer les apprentis sorciers. Ces socialistes sont en train de casser le royaume, si je pouvais exprimer c'est-à-dire la République en l'occurrence, et c'est très grave. C'est la raison pour laquelle moi je suis vent debout contre cette modification territoriale, cette pseudo-réforme, mais il faut reconnaître que bien évidemment, à droite, comme à gauche, vous en avez, indépendamment du fait pourquoi la Picardie rejoint ou le Nord va aller avec la Picardie va aller avec le Nord ou des choses comme ça, des querelles de clocher. Vous avez en réalité maintenant des gens qui se disent, ben moi je me vois bien à la tête de cette interco, et je me vois bien avoir un chauffeur, je me vois bien avoir une querelle de collaborateurs qui me cire les pompes tous les jours. Donc c'est très grave ce qui est en train se passer et on ne fera aucune économie et c'est la raison pour laquelle nos auditeurs doivent le savoir. Et il va falloir lutter, même s'ils ne sont pas directement concernés par cette réforme, contre une réforme qui est véritablement néfaste pour le pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Jacques Myard, de cette intervention. Et lorsque vous dites que, même si ça ne les concerne pas, les auditeurs et en définitive tous les citoyens de France, c'est extrêmement dommage parce qu'il s'agit quand même de la République, de son organisation. Il aurait été quand même normal de demander au peuple ce qu'il en pensait. Mais enfin bon, on reviendra. Vous pouvez compter sur ces obreux locaux, j'insiste sur un point, pour voilà accéder au niveau international. Et on le voit déjà dans les régions. Ils se baladent à droite et à gauche. Hein, la région Île-de-France a sorti un vrai bouquin, alors qu'ils refusent des subventions aux crèches parfois, a sorti un vrai bouquin de l'action de la région parisienne sur la scène internationale, qui a dû coûter une fortune. Et vous avez des vice-présidents qui se baladent à longueur de temps. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Si vous voulez faire des économies, commençons. Alors quelle est la solution? Parce que je voudrais aller au bout de ma pensée. C'est une France de 50 départements. Absolument. C'est-à-dire regrouper des départements avec un État fort qui va avoir l'aménagement du territoire. C'est-à-dire véritablement un État qui va gouverner la France et notamment en assurant non seulement le vouloir vivre ensemble, mais en assurant aussi l'égalité des territoires par un aménagement du territoire politique qui a été malheureusement passé à la trappe en raison des oukases de Bruxelles en disant pas d'aide d'État, etc. Mais tout ça est à reprendre. De la même manière qu'il nous faut une politique industrielle au niveau français et européen, de la même manière il nous faut une politique d'aménagement du territoire. Et j'ai la grande crainte, même la certitude, que cette découpage de la France en 13 régions aboutisse exactement à l'inverse, à l'instar de ce qui s'est passé pendant la France du Moyen-Âge, qui ont tangenté le pouvoir du roi. Alors on vous dit... Mais vous vous rendez compte, les Länder, c'est la fortune de l'Allemagne. Mais c'est pas vrai. Et puis c'est pas la même histoire. Mais les Länder ont été, il faut le savoir, ont été imposés par les Alliés en 1945 pour éviter justement, notamment en matière de police, la fameuse Gestapo, pour casser la Gestapo, c'est-à-dire la police d'État. Et deuxièmement, tout simplement, parce que la puissance économique allemande, elle a préexisté les Länder. C'est le complexe militaro-industriel de un siècle d'histoire allemande avec une politique industrielle tacite qui s'appelle le Standort Deutschland, c'est-à-dire qui est une préférence nationale allemande en disant que aucun laboratoire de haute technologie ne sortira du pays, aucun siège social ne sortira du pays, et que bien évidemment, si vous voulez racheter par OPA M. Siemens, eh bien vous allez vous casser les dents, parce qu'il y a des noyaux durs. Bon, donc tout ça, ça a fait l'Allemagne, et le travail des Allemands, parce que c'est un grand peuple et qui travaille. Bon, mais de là à dire, on va avoir des régions puissantes qui vont créer l'emploi, mais c'est une foutaise. C'est véritablement prendre les Français pour des imbéciles. Absolument. Et donc, ce n'est pas acceptable. J'ajoute que je rentre d'Italie, et j'ai pu constater qu'en Italie, selon un certain nombre, effectivement, de commentaires, que les Italiens qui avaient été lancés dans cette histoire de régionalisation depuis un certain nombre d'années sont en train de refaire marche arrière, car ils s'aperçoivent que les régions sont trop grandes et qu'il faut retrouver l'équivalent des départements. Donc, on a tout faux. Il n'y a aucun sens de l'histoire à faire ça. Mais si vous voulez faire des économies, si vous voulez ramener, effectivement, en proximité l'administration, vous faites 50 départements, c'est-à-dire que vous permettez aux départements de se marier entre eux, d'avoir les compétences de la région, là, vous ferez des économies à terme. Merci Jacques Myard de cette affaire. Alors, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, que dans le studio, vous avez Jacques Myard, qui est député de la Nation, Jean-Pierre Vesperini, professeur de sciences économiques. Alors, nous allons continuer dans un autre... Il y a des manifestations, vous le savez, qui sont pro-palestiniennes, d'autres qui sont peut-être pour autre chose, etc. etc. C'est-à-dire qu'il se passe... le monde est en évolution, le Proche et le Moyen-Orient, c'est pire que ça, ce sont des cocottes minutes. On avait, le mois dernier, parlé de votre voyage, monsieur le député, en Iran. Il y a actuellement l'Irak. Après la prise de Mossoul par les combattants qui se réclament d'un État islamique en Iran et au Levant en même temps, la mise en place d'un califat, ce qui devient très, très grave, et une explosion de toute cette affaire qui vient jusque chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, et j'y reviendrai, c'est que le monde est devenu non pas une cocotte minute, mais un chaudron. Oui. Un chaudron, et que les crises, notamment au Proche et au Moyen-Orient, sont extrêmement graves. On y reviendra, et que ces crises ne sont pas limitées, bien évidemment, à la géographie du Proche et du Moyen-Orient, mais que pour des raisons humaines, c'est-à-dire des populations qui se sentent solidaires, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a un impact jusque dans nos banlieues, jusqu'en France. Alors, sur le problème du droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel, c'est-à-dire que vous avez effectivement le droit de manifester. Alors, un certain nombre de, début juillet, un certain nombre de sondages semblaient dire il faut interdire. Il faut interdire à chaque fois qu'il peut y avoir dérive ou l'utilisation de slogans franchement antisémites, comme ça s'est produit en début, au mois de juillet, à Paris, où on a entendu des choses innommables, mort aux Juifs, des choses comme ça. Ce n'est pas acceptable. Et là, le gouvernement doit interdire et se donner les moyens pour interdire, et pas simplement avoir une section de CRS. Il faut savoir, effectivement, que malheureusement, il y a une telle dérive communautariste en France... que vous avez des gens, d'un côté comme de l'autre, qui se sentent plus solidaires de ce qui se passe au Proche-Orient que français, et qui, en définitive, aujourd'hui, en viennent aux mains et aux attaques. Les attaques contre les synagogues sont inadmissibles. Les attaques d'un certain nombre de groupes extrémistes juifs à l'égard de personnes musulmanes et autres le sont tout autant. Donc, l'interdiction... dépend de la responsabilité du gouvernement. Et moi, je ne me substituerai pas au gouvernement qui a un certain nombre de renseignements en disant je dois interdire parce que ça risque de dériver. Et c'est tout à fait légal. C'est toute la jurisprudence du Conseil d'État qui date, vous le savez, des troubles que nous avons eus en 1934-1936. De ce côté-là, sur le plan juridique, il n'y a rien à redire. Je sais d'ailleurs qu'en juillet, le gouvernement a interdit 4 manifestations et en a autorisé 60. Donc il ne faut pas, de ce côté-là, c'est de sa responsabilité. Et c'est au gouvernement à prendre les moyens de sa politique, c'est-à-dire à assurer véritablement, s'il y a manifestation, qu'elle sera correctement encadrée et qu'il n'y aura pas de débordement. Et que s'il va y avoir débordement, s'il pense que ça va être beaucoup trop grave et qu'il n'a pas les moyens pour rétablir l'ordre, eh bien il l'interdit. Et là, il a raison. Donc moi, je suis d'un très grand calme de ce côté-là, car il est arrivé dans le passé que de multiples gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont parfois autorisé, ont parfois interdit, etc. Des manifestations qui peuvent être celles, d'ailleurs, on a vu celle du mariage, contre le mariage, oui, pour tous, mais le mariage, justement, des millions de Français qui sont restés descendus dans la rue, il est clair que ça s'est bien passé, parce que c'était des gens responsables, et il n'y avait rien à redire. Simplement, ça, c'est ce qui se passe en France. Et il faut surtout... bien que ça soit très clair, il faut, même si on sait qu'il y a des relations transnationales avec toute cette région du monde, il faut qu'on regarde du gouvernement, on ne fasse pas un lien avec le Proche et le Moyen-Orient, mais qu'on agisse, je dirais, comme disent les juristes, in rem, c'est-à-dire de manière objective par rapport à ce qui se passe en France sur un strict pied d'égalité. Cela étant, il est malheureux, effectivement, que pour des raisons, je dirais, humaines, et transnational, on ait importé ce conflit chez nous. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, on l'a importé de plusieurs manières. Premièrement, parce qu'il y a des gens qui vont manifester pro-palestiniens, d'autres qui vont manifester pro-Israël. Mais si c'est qu'une manifestation et que ça reste dans le cadre de la République, on va dire que c'est normal. En revanche, on voit aujourd'hui se développer des gens qui non seulement prennent parti, mais vont beaucoup plus loin. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager militairement, notamment en Syrie et en Irak et au Liban, même ailleurs, puisque début juillet a été arrêté un Français comorien qui devait se faire sauter, se suicider dans un endroit chiite d'à côté de Beyrouth. Donc là, on voit très bien qu'on a un phénomène nouveau qui s'amplifie sur ce djihadisme et qui n'est pas acceptable. Le gouvernement, début juillet, a présenté notamment, et il a été débattu en commission des lois, et j'y étais, c'était le 22 juillet, un projet de loi de lutte contre le terrorisme. Ce projet de loi va dans le bon sens. Il y a divers articles, qui est l'interdiction de sortir du territoire avec la confiscation du passeport ou de la carte d'identité. Il y a bien évidemment aussi l'accès au site pour éviter l'auto-radicalisation, c'est l'article 9. Et il y a une conception nouvelle qui est le fait de devenir terroriste de manière individuelle, constitue, lit le texte, un acte de terrorisme lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait de rechercher, de se procurer, de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, c'est-à-dire les préparations de bord. Donc, il est clair que ce texte va dans le bon sens, mais nous avions, nous, décidé d'aller plus loin et de poser ab initio, c'est-à-dire dès le premier article premier, mais cet amendement a été rejeté, mais je le redéfendrai en septembre au Parlement, en plénière, de dire que tout Français qui participe sans l'accord du gouvernement français à un conflit armé à l'étranger, eh bien, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Alors, ça a été rejeté tout simplement parce qu'ils ne veulent pas aller si loin, mais il n'en demeure pas moins, et avec des arguments fallacieux, sur lesquels je ne vais pas revenir ici, mais il me semble que c'est la nécessité. Nous sommes face, avec le djihadisme, à un mouvement extrêmement profond. Il y a certainement près d'un millier de Français qui vont et viennent avec la Syrie et dont certains reviennent sur le territoire national avec la volonté de commettre des actes, des attentats. Et je sais que les services, nos services, comme l'on dit, sont extrêmement inquiets à ce titre. Il n'y a pas que des Français, il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Allemands. Bref, au total, il y a toute une série de gens qui font, entre guillemets, ce pèlerinage du djihadisme, notamment en Syrie. Alors, il y a un problème qui est dû d'ailleurs à la politique de ce gouvernement et même du précédent, c'est que pour pouvoir, aller chercher et accuser et inculper tous ces djihadistes de terrorisme, encore faut-il qu'on ait la preuve qu'ils aient été engagés dans des organisations, Al-Nostra, Al-Qaïda, reconnues comme telles. D'accord. Mais certains petits malins vont dire qu'ils sont allés aider les anti-Bachar, l'armée syrienne de libération. Et c'est là où il y a une ambiguïté totale et une imbécilité de notre politique étrangère qui a été, même si Bachar n'est pas le poussin du jour, même si, à mon avis, il ne pourra pas tenir la vie des rats, il n'en demeure pas moins qu'on a une sorte, je dirais, de contradiction dans les textes. C'est la raison pour laquelle l'amendement que je souhaite voir à la tête dans la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui dit que est interdit et est passible d'une amende de 75 000 euros plus d'un emprisonnement de 5 ans, tout Français qui va s'engager dans un conflit armé sans l'accord du gouvernement, eh bien, ça résoudrait ce problème-là. Absolument. Voilà. Donc, Et il faut jamais oublier que nous sommes dans un état de droit et que si les services peuvent empêcher quelqu'un, effectivement, dès lors qu'ils ont les renseignements, éviter des attentats, il faut voir aussi que si on veut faire condamner des gens, encore faut-il qu'on amène les preuves. Et voilà. Et donc, il faut amener. Or, le juge pénal, lui, il ne va pas condamner simplement en disant ben, « nous pensons que oui, il, a, il nous faut des preuves ». En revanche, si c'est clairement dit que cet individu est allé effectivement guerroyer là-bas et que ça, c'est plus facile à prouver que si c'est un engagement dans une organisation terroriste, eh bien, ça aurait plus d'effet. Mais d'une manière générale, il faut bien comprendre une chose. La France, dans cette affaire, en Méditerranée, nous sommes dans une guerre. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons un problème réel de cohésion nationale. Ces dérives communautaristes sont inacceptables. Nous avons sur notre territoire des gens qui, tout en étant, je dirais, déjurés français, se considèrent comme n'étant pas français. Et ça, c'est très grave. Ça se terminera très mal, je le dis comme je le pense. Et il est clair qu'il va falloir réagir en termes de sentiment d'être français. C'est-à-dire que dès l'école maternelle, on assène que français, eh bien, c'est ça et c'est pas autre chose. Et que vous pouvez avoir une religion différente, mais que ce qui doit primer, eh bien, c'est la francité. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le fait d'être français. Et donc, tout ça, c'est se réapprend. Ça se réapprend, comme la laïcité. Hein, c'est quelque chose qui se réapprend. Et on a eu, dans cette espèce de société à la fois ouverte à quatre vents, mondialisée et qui ne pense qu'au fric, eh bien, on a perdu ce sens de la vie collective et du sentiment national. Et non pas qu'on l'ait perdu, il y a encore beaucoup de patriotes, et oui, y compris dans oui. des gens qui sont devenus français. Oui. Hein, et bon, il ne faut pas non plus faire un amalgame. Mais il est non moins certain que là, on a un problème réel de cohésion nationale, de projection de notre vie collective, de notre vouloir vivre ensemble, car ce qui se passe dans certaines banlieues est inquiétant. Alors maintenant, pourquoi tout ça ? Bien sûr, parce qu'il y a eu des fautes internes, mais il y a une crise internationale au Proche et au Moyen-Orient qui est en train de se développer et qui est la suite, mais qui va beaucoup plus loin, bien sûr, du printemps arabe qui s'est bien passé en Tunisie, où il y a une constitution, un gouvernement, et parce que la société civile a réagi, qui s'est plus ou moins bien passé en Égypte, et j'y reviendrai, qui est une faillite complète en Libye, puisqu'il n'y a plus d'État, et que là, de ce côté-là, s'il fallait régler les comptes avec Kadhafi, le problème, c'est que l'après-Kadhafi n'a pas été du tout géré, et qu'on est face à un chaos. Bon. Sur ce qui est de l'Égypte, on a... Vous le savez, il y a eu Tamarod, c'est-à-dire cette réaction contre les frères musulmans et la prise de pouvoir par un président porté par l'armée et la rue. Et donc, aujourd'hui, en Égypte, il est en train de serrer les boulons sèchement vis-à-vis des frères musulmans, puisque son prédécesseur est en prison, va être jugé, et qu'il a fait condamner à mort, je crois, 1500 ou enfin un petit millier de frères musulmans. L'Égypte n'exécute pas toujours, hein, il faut le savoir. Mais bon, il est clair qu'aujourd'hui, l'Égypte regarde des associations des droits de l'homme et sur le grill. Et ça vient à un moment où, effectivement, dans le Hamas, qui sont des pro-musulmans, sont en guerre contre Israël, et je vais y revenir. Les frères musulmans ont été essentiellement financés en Égypte et de Hamas par le Qatar. Il faut quand même le regarder tel qu'elle c'est. Le Qatar a peut-être acheté l'équipe de Saint-Germain, mais moi, depuis longtemps, j'ai mis des réserves très sèches sur l'emploi de leur argent pour obtenir un certain nombre de propagandes islamistes et radicales des frères musulmans. Donc, ça, c'est une réalité également, doublée d'ailleurs, il faut le savoir, avec l'Arabie saoudite, qui, elle, ce n'est pas les frères musulmans, mais c'est le wahhabite et donc les salafistes. Le problème, c'est que la Syrie a mal évolué à la suite, bien sûr, des revendications des révolutions arabes, du printemps arabe, et la répression a été brutale, inadmissible, hein, puisque des enfants ont été assassinés et renvoyés comme ça aux parents, vous voyez à peu près l'effet que ça peut faire, et que de ce côté-là, la vieille garde bassiste et alaouite s'est véritablement focalisée sur elle-même et rigidifiée, alors qu'il y avait sans doute une possibilité d'évoluer. Le résultat, c'est une guerre civile qui a dû faire 300-400 000 morts, qui fait toujours, et qui pour autant, aujourd'hui, la situation est assez simple et dramatique. Vous avez donc les forces de Bachar qui recommencent à conquérir du terrain, notamment à Alep. Ils ont reconquis Homs. Homs, c'est une ville du centre de la Syrie, dont j'ai oublié le nom. Homs étant du côté de l'Iran. Les Kurdes sont en déshérence, ou plus exactement en voie de partition en Syrie, sont autonomes. Et puis, partout ailleurs, vous avez non pas une armée de libération parce qu'elle est incapable de bouger. Vous avez donc elle est même non opérationnelle, ce qui était, paraît-il, la rébellion que nous devions aider et que nous avons aidé indirectement, que les Américains ont aidé très directement en fournissant des armes. Et puis surtout, vous avez ces djihadistes qui sont très nombreux, dont on dit qu'ils ont parfois des contacts avec Bachar pour des histoires tactiques et locales, et qui représentent un danger réel, car ils se sont maintenant couplés avec ce qui se passe en Irak. Et ça a donné le IIL, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, qui vient d'être créé, et dirigé par un calife qui s'est autoproclamé calife. Oui. Et je ne vous dirai pas quels sont les diplomates qui m'ont dit. De toute façon, les califes dans ce coin du monde ont toujours mal terminé. Donc, on peut espérer que celui-là va mal terminer. Et comme à Bagdad, il y a un homme, Maliki, qui a gagné les élections, mais qui est un chiite, qui a une politique extrêmement maladroite. Il a focalisé contre lui les oppositions des sunnites, l'opposition des anciens bassistes et des tribus. Et ce qui s'est passé dans le succès du califat et donc d'Al-Qaïda, El-Nostra et j'en passe, c'est que il y a 5000 hommes qui sont un conglomérat d'une part de bassistes, des gens des tribus et des gens d'Al-Qaïda. Est-ce que cette conglomérat, cette espèce d'alliance très contre nature peut continuer? C'est moins que certain. Mais entre-temps, ils ont pris Mossoul et ils ont mis main basse sur environ un minimum de 400 à 500 millions de dollars pour acheter, bien sûr, des armes parce que toutes ces affaires-là, c'est aussi une affaire de trafic d'armes. Et donc, ils existent. Et lors de mon passage à Téhéran, il y a 3 semaines, le vice-ministre des Affaires étrangères me disait, qu'aujourd'hui, effectivement, Al-Qaïda, le 9 septembre 2001, c'était des amateurs. Vous savez que lorsqu'on a calculé quel était le coût de l'attentat contre les tours jumelles à New York, eh bien, ça a dû coûter 20 à 30 000 dollars, c'est-à-dire rien du tout, rien du tout. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à la tête, d'une part, de ce qu'ils ont pris en argent dans la banque centrale de Mossoul, mais d'autre part, qui contrôle un oléoduc qui exporte du pétrole, notamment sur la Turquie. Donc, ils ont des moyens. Commentaire du vice-ministre des Affaires étrangères iranien. En 2001, c'était des amateurs. Maintenant, c'est devenu des professionnels. Voilà. Et de dire, l'Iran fera ce qui est dans son intérêt pour défendre ses intérêts. Très bien. Voilà où on en est. Avec très gaulienne. Oui. Oui. Mais ça. Mais l'Iran est très gaulien. C'est une bonne remarque et je vais revenir sur cette affaire iranienne et du nucléaire. Alors, deux secondes. Nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France libre. Sont dans les locaux, Monsieur Jacques Myard, député de la Nation, Jean-Pierre Vesperini, professeur de sciences économiques. Alors, se greffe là-dessus une crise ouverte c'est déjà la crise, hein. C'est la guerre en Irak, c'est la guerre en Syrie, et le Liban, malheureusement, va avoir les contre-coups. Mais va venir, à mon avis, très rapidement, un autre problème. C'est la position des Kurdes dans le système. Et voilà. Les Kurdes sont en Iran, sont en Irak, en Syrie. Sont en Syrie et sont en Turquie. C'est-à-dire que les Iraniens nous disent que leurs Turcs, entre guillemets, sont des gens bien, qu'ils ne veulent pas bouger, qu'ils sont Iraniens, etc. À voir. En Syrie, ils sont en quasi-autonomie déjà. En Irak, ils sont en complète autonomie. Tout à fait. Et ils protègent les chrétiens. Ils protègent les chrétiens, puisque les chrétiens se sont réfugiés chez les Kurdes, alors qu'il faut savoir que dans l'histoire, c'est essentiellement les Kurdes de Turquie qui avaient massacré les Arméniens. Bon, là, ils se rachètent. Et puis, vous avez ce qui se passe en Turquie, etc. Donc là, on a véritablement quelque chose qui va peut-être brouiller les cartes et qui risque véritablement de poser problème. Et puis, il y a le conflit ouvert entre le Hamas soutenu par les frères musulmans, qui a reçu des armes du Hezbollah et donc de l'Iran, et qui a eu l'idée de tirer à longueur de temps sur Israël, qui riposte. Le problème, il est évident que Gaza est une bombe à retardement pour Israël. Et donc, j'ai toujours dit, moi personnellement, que s'il n'y avait pas une véritable politique ferme de la communauté internationale pour imposer aux deux parties une solution avec un État viable palestinien qui fera la police de ces terroristes et Israël qui reconnaît cet État et bien évidemment les Palestiniens, le Hamas qui reconnaît Israël et qui accepte la sécurité, sinon ça va être une guerre de 100 ans qui se terminera mal. Elle a déjà 50 ans, mais elle est... Alors ce qui est frappant, j'en parlais avec quelques collègues députés, c'est la montée de la haine. C'est la montée de la haine entre deux communautés qui se disputent la même terre et qui véritablement se haïssent chaque jour davantage. J'avais une formule de dire qu'au Proche-Orient, vous êtes toujours le proto-terroriste de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, Tsahal a envahi Gaza, c'est-à-dire en juillet, pour régler le compte des fameux tunnels qu'on ne leur tire plus dessus. Mais Gaza est une prison. Les gens ne circulent pas. Bien sûr. Les gens ne peuvent pas sortir de cette bande étroite dans laquelle la densité est plus importante que celle des Pays-Bas. C'est l'une des densités au monde les plus importantes. 9,9 et qu'ils n'ont plus et qu'ils n'ont aucune véritable espérance de rester dans cette prison. Et donc les gens sont désespérés. Voilà. Donc on a affaire à quelque chose qui est véritablement une impasse perpétuelle et structurelle. Donc, et dans le même temps, j'entends la diplomatie française dire « Nous espérons, là je parle de ce qui se passe en juillet, nous espérons que ce qui s'est passé en juillet, que Kerry résoudra. » Mais comme je dis, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc si nous n'avons pas une politique proactive, c'est-à-dire si nous n'avons pas la volonté de pousser nos propres pions, nous avons des billes. Certains vont dire ça sert à rien, on n'a aucune bille, etc. Sur le plan militaire, il ne s'agit pas d'y aller. Mmh. Ça, c'est clair, net et précis. Mais nous avons l'argent. Il faut que vous sachiez que vis-à-vis des Palestiniens, notamment, de manière générale, c'est l'Union européenne qui aide à 55% l'ensemble des aides des Palestiniens. Là, il y a quand même matière. Il y a quand même matière. Et puis, bien sûr, les Israéliens nous disent « Ces gens-là veulent détruire Israël, certes. » Mais j'entends de l'autre côté un certain nombre de chefs du Congrès mondial juif dire qu'il faut tuer tous les Arabes. Ah, bien sûr. Mais alors, on est dans un pays de fous. Alors, on sait très bien, et la formule est bonne, parce qu'un diplomate de haut rang du ministère des Affaires étrangères me disait que cette crise a fait l'objet d'un hold-up par les extrémistes des deux camps. Et c'est vrai. Si on laisse les extrémistes des deux camps poursuivre, il n'y a aucune solution. Donc il s'agit, et en Israël, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va falloir trouver une solution politique. Et vous en avez également du côté du Hamas. Certains diront que la population arabe peut être aussi versatile, qu'elle peut changer du jour au lendemain. Mais encore faut-il qu'on amorce la chose. À mon avis, la seule solution, il y a plusieurs problèmes véritablement très difficiles à résoudre. Il y a bien sûr la création d'un État palestinien qui ait ses propres forces de police et qui contrôle tous ces gens-là et les extrémistes. Il y a bien sûr de la part d'Israël l'arrêt de la colonisation pour éviter bien, que surtout cet État ne puisse pas exister. Donc si on n'a pas la volonté farouche de pousser une solution politique, je crains le pire à venir et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui ne pas baisser les bras mais se dire on a tout essayé et bien il va falloir encore essayer davantage. Alors oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que tout va être résolu. Va venir bien sûr dans cette affaire et dans au Proche et au Moyen-Orient des éléments très importants qui sont l'explosion démographique. Je ne le dirai jamais assez. Oui. L'Égypte est pour moi véritablement une bombe à retardement également. 22 millions d'habitants en 1970, 85 millions, 87 même en 2014, et vraisemblablement dans 25 ans, 140 millions. Donc, il n'y a pas de développement à ce titre et le déversoir humain va se faire. L'histoire du monde, ne l'oubliez jamais, comme disait Boutoul, c'est l'histoire des démographies. C'est l'histoire des démographies, donc là, il y a un problème majeur. Alors ça doit être lié, et c'est pour ça que le tableau aujourd'hui, en 2014, est quand même assez féroce. Ça doit être lié à ce qui se passe, bien sûr, dans l'Afrique saharienne. Je vous ai déjà dit que la Libye était dans un état de déliquescence avancée. On a même l'ancien Premier ministre qui avait été émigré d'Allemagne, etc., a été débarqué. Il est reparti aussi sec en Allemagne après avoir essayé pendant 18 mois de gouverner. Il n'y a pas d'État. Il y a des milices de partout. Et puis, il y a des armes qui se baladent dans toute la bande sahélienne, au Mali, etc. Mais se développe maintenant... Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, parce que ça me paraît important. Dans l'histoire qui est en train de se passer, Syrie, Irak et tout ce... Il y a un refus, un rejet plutôt, des frontières qui ont été dessinées par le monde anglo-saxon. Oui, mais ça c'est une vue occidentale, il n'y a jamais eu de frontières. Mais en plus de ça, vous allez parler de l'Afrique, on va retomber sur le même problème. Et ce que je voudrais vous dire et signaler, c'est que le Parti Socialiste qui est en train, en France actuellement, avec le dessin des 13 régions, c'est exactement, ils vont déstabiliser l'État ils se déstabilisent. À ceci près qu'il n'y a pas encore des grandes compagnies qui traversent le royaume comme il y a eu au Moyen-Âge. Bon, voilà. Bien. J'en suis pas si sûr que vous. Oui, attendez, pour l'instant. Bon. Non, mais revenons à ce qui est, premièrement, la notion de frontière dans des régions comme l'Irak, dans les régions de Syrie, Irak, etc., Iran, en dehors des points de passage qui sont contrôlés, etc. Et en Afrique, c'est le cas. Lorsque vous regardez les cartes actuellement, vous avez une ligne droite, mais en réalité, vous passez d'un coin à l'autre. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Les Targhis, les Touaregs du Sahel peuvent aller de Mauritanie jusqu'au Soudan. C'est chez eux. Et ils sont chez eux. Ouais, voilà, donc il faut aussi relativiser tout ça. Mais ce qui est en train de se passer également, c'est assez grave, c'est ce qui est en train de se passer avec Boko Haram au Nigeria. Et là, effectivement, il y a des métastases d'un djihadisme, d'un chef de bande qui est un illuminé, qui est le chef de Boko Haram, qui est dans le nord du Nigeria, c'est pas nouveau. Moi-même, ayant été en poste au Nigeria entre 75-77, on savait déjà qu'il y avait des heurts entre chrétiens, entre Haoussa du Nord et chrétiens, et qu'il y avait des massacres. Cette fois-ci, il y a des massacres avec une sorte d'idéologie fanatique, avec une espèce de gourou, et ça relève de la secte, car c'est une des maladies de l'islam que parfois d'avoir des sectes extrêmement prosélytes et violentes. Donc là, vous avez dans tout le nord du Nigeria une contamination sur le Cameroun et on craint même que ça aille jusqu'en Centrafrique avec une radicalisation notamment des populations musulmanes. Donc tout ça, c'est pas très réjouissant. Et alors, substrat à tout ça, c'est que le Nigeria va avoir, d'ici 20-25 ans, ils sont 180 millions d'habitants maintenant, il y en aura le double ou 300 millions dans une génération ou un peu plus. Donc tout ça, véritablement, est appelé à changer la face du monde. Changer la face du monde. Bon. Alors, quelle carte jouer en Afrique? Le dispositif français a été modifié et notamment, on a mis en place dans tout le Sahel une meilleure coordination pour prendre tout le Sahel pour lutter contre le terrorisme. Ce qui m'amène à dire, c'est bien, mais il faut des moyens. C'est ce que nous avons dit dans l'émission du mois de juillet. Oui. Il faut des moyens et l'armée française, malheureusement, aujourd'hui, on lui a chipoté ses moyens. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Absolument. Il ne suffit pas de se dire qu'il faut, comme l'a rappelé Jean-Pierre Visperini, un déficit à 3%. Qu'est-ce que c'est qu'une dette ou focaliser sur la dette si on est mort dans 6 mois, mais pour d'autres raisons, oui, oui, qui sont le terrorisme et qui sont le risque d'être subjugué par des forces plus puissantes ou des forces qui sont transnationales, mais qui peuvent entrer chez nous d'une manière proactive. Donc, c'est ça les enjeux, c'est-à-dire que là, et je fais une incidente, là où on a focalisé sur l'Europe des cabris, on s'est trompé, et c'est pour ça que moi j'ai toujours réagi contre. Il n'y a pas de danger soviétique que je sache. L'affaire ukrainienne, c'est une affaire régionale sur laquelle on pourra revenir. Mais ce qui est certain, c'est que le poids du monde, le bouleversement du monde est en train de se faire au Proche, au Moyen-Orient et en Afrique. Et nous sommes aux premières loges. Alors au Proche-Orient, il faut ajouter quelque chose. La politique française a été effectivement, pendant pas mal de temps, même si ça s'est refroidi, d'avoir une politique proactive, une politique soit en Égypte, chez les sunnites, soit même en Arabie Saoudite, même si ça s'est légèrement tassé vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et on a mis dans un ghetto l'Iran, pour deux raisons. Premièrement, parce que le régime s'était extrêmement mal comporté en prenant en otage des Américains dans les conditions que l'on connaît, ce qui avait foutu une trouille gigantesque à l'Occident, et que c'était effectivement le régime des ayatollahs qui a été, qui est un régime dur, dans lequel les exécutions capitales, je dirais, sont courantes. Et puis, il y a eu l'affaire du nucléaire, où là encore, on s'est aperçu qu'ils avaient menti, qu'ils nous avaient menti et que, tout en ayant signé le fameux protocole additionnel du TNP, avaient lancé un programme militaire d'enrichissement qu'ils disent devoir faire, oui, pour des raisons civiles, mais il faut savoir qu'ils ont mis quand même en place un certain nombre de dizaines de milliers de centrifugeuses et que ça ne se justifie pas pour l'unique centrale que les Russes leur ont construite dans le nord du pays. Donc, ils se sont mis dans la tête, à l'évidence, d'avoir la bombe. Ce qui a fortement, bien sûr, déplu au sein du TNP, plus l'Allemagne rajoutée, et puis surtout à Israël, mais aussi aux autres États du coin. Mais, oui, bien sûr. Mais aussi aux autres États du coin. Donc, c'est le vrai problème à régler actuellement. Je dis et je redis que ce n'est pas la bombe en elle-même de l'Iran qui est dangereuse, c'est à mon sens une bombe de puissance, j'allais dire gaulienne, mon cher Jean-Pierre Vesperini. C'est-à-dire que c'est la volonté d'exister en tant que j'ai la bombe dont je sanctuarise mon territoire vis-à-vis d'attaques d'un homme plus puissant, c'est la dissuasion du fort au faible. Okay. Et même Chirac avait dit à la fin en disant « c'est pas le problème majeur ». Mais où il y a un problème, et là je suis d'accord, y compris avec des gens qui ne vont pas faire la première étape de l'analyse comme moi, c'est le problème de la prolifération. C'est-à-dire que si l'Iran a effectivement la bombe, il y a un risque que la Turquie la veuille, que l'Arabie Saoudite la veuille et que l'Égypte la veuille, sans parler de ce qui peut se passer en Extrême-Orient, sur la Chine. Voilà. Donc là, on a un problème majeur. Dans l'état actuel des négociations qui ont recommencé et sur lesquelles, lorsque je suis passé à Téhéran, le vice-ministre chargé de la négociation avec le ministre des Affaires étrangères nous disait très clairement qu'il allait à Vienne pour réussir la négociation. En juillet, malheureusement, nous avons appris que les négociations étaient beaucoup plus difficiles que prévu et qu'elles étaient repoussées. On a un peu arrêté les pendules comme on fait dans les marathons agricoles bruxellois et on a repoussé la date donc du 22 juillet qui était la date limite au 24 novembre. Donc, à ce titre, affaire à suivre et de très près. Il est vraisemblable qu'on arrive quand même à un accord ou à quelque chose qui permette, à condition que le guide accepte véritablement de concevoir que la bombe finalement ne va pas leur apporter grand-chose, qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'y arriver très près, très important, parce qu'ils ont des ingénieurs. Mmh. Il faut savoir, je l'ai déjà dit d'ailleurs à cette antenne, qu'il y a une très grande fierté nationale d'Iraniens, d'hommes et de femmes qui ont derrière eux quelques milliers d'années d'histoire. Lorsque j'étais à Ispahan, je leur posais la question à savoir quand est-ce qu'ils faisaient remonter l'histoire d'Iran. Ils me disaient à 8000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc, sans aller jusque-là, parce que là, il devait y avoir quelques traces de gens qui vivaient comme en Gaule, hirsutes et velus, de l'âge du bronze. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un très vieux peuple et qui en a la conscience. Et qui surtout forment des ingénieurs. Et à Paris, il m'est arrivé de rencontrer un certain nombre d'Iraniens très conservateurs, monarchistes, et qui disent ce sont nos ingénieurs qui font la bombe. Nos ingénieurs, c'est-à-dire on sent que au-delà des clivages qui sont bien réels entre monarchistes, ayatollahs et j'en passe, il y a cette fierté d'être capable de faire ce que les Occidentaux avaient fait auparavant. Et ça, c'est très ancré dans l'esprit. Cela étant, je crois que les Iraniens doivent quand même se dire et devraient se dire que ça ne vaut pas la chandelle. Ils atteignent le seuil, dont acte. On leur donnera le droit qu'ils ont de la part du TNP d'enrichir, mais ils demandent 190 000 centrifugeuses. C'est un peu trop. C'est quand même un peu trop par rapport au programme nucléaire qu'ils ont, même s'ils disent mais on aura 20 centrales nucléaires, et pas le début du commencement, il y en a une qui tourne, et c'est tout. Et donc, à mon avis, c'est 10% du chiffre, c'est-à-dire 19 000 et encore, dont ils ont besoin. Mais, et ça, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que lorsque vous allez à Téhéran, même pour une période très courte, vous avez le sentiment d'un État organisé, d'un État structuré. Les infrastructures sont excellentes. Lorsque vous arrêtez sur un bord d'autoroute, vous avez le sentiment d'être comme en Europe. Et je pèse mes mots. J'en ai fait l'expérience. Alors, ça peut être pas toutes. Il y a certaines provinces d'Iran qui sont toujours très, très pauvres. Mais ce que j'ai vu entre Téhéran et Ispahan m'a étonné. Et surtout, contrairement à ce qu'il a été dit dans la presse occidentale, où, d'une manière macroéconomique, il est vrai que le PIB iranien, parce qu'ils ont vendu moins de pétrole, a baissé. Rien ne manque dans les boutiques iraniennes. Rien. Malgré l'embargo. Malgré l'embargo, vous avez tout ce que vous voulez trouver, y compris des appareils photo et autres. Rien ne manque. De plus, et ça m'a beaucoup frappé, autant les sociétés sunnites arabes sont des sociétés très régressives et réactionnaires pour le statut de la femme. Ce n'est pas le cas à Téhéran, ce n'est pas le cas en Iran. Vous avez 60% des femmes qui sont dans les universités, qui peuvent exercer tous les métiers. Et comme je le disais, il n'y a qu'une discrimination, c'est pour les hommes qui ne peuvent pas être gynécologues. En revanche, la femme peut soigner les hommes. Alors, c'est vrai, il y a une tradition, c'est que on ne serre jamais la main des femmes. Mais elles sont avec nous au restaurant, elles conduisent, elles sont dans la rue. J'en ai même vu qui, tant dans la rue que dans un restaurant, allaitaient, chose d'une manière très pudique, sans qu'on voie le sein. Mais on voyait bien qu'elle était en train de donner le sein, ces femmes étaient en train de donner le sein à leur bébé, et ça se passait dans des lieux publics. Donc, je retiens de l'Iran, un, c'est un grand peuple, fier lui-même, qui a des ingénieurs, et si la sagesse de lever le pied sur cette affaire nucléaire, non pas en tant que bombe en soi pour l'Iran, mais en tant que déclic d'une prolifération incontrôlable, je crois que nous avons là un partenaire qui ne doit pas être négligé. Et je crois que c'est bien ce que les Américains ont compris, car il y a un changement dans la diplomatie américaine, au grand dam d'ailleurs d'Israël, qui craint d'être abandonné sur ce sujet. Car pour Israël, bien évidemment, les ayatollahs, c'est le grand Satan. Mmh. C'est vrai que le guide parle toujours du grand Satan dans la personne des Américains. Mais entre le discours qui va être un peu évanescent et la réalité, je crois que la réalité, elle finira par l'emporter. Et le meilleur moyen de faire évoluer un régime qui est un peu calé sur ses certitudes, ces gens et ces rigidités, c'est de l'ouvrir. C'est bien, bien ce sûr. Qu'ils craignent, d'ailleurs. Bien. C'est ce que les ayatollahs craignent, car on voit très bien qu'ils veulent ouvrir, et puis parfois ils freinent. Ils savent que, oui. Il y a eu un professeur français qui est, entre guillemets, très amoureux de l'Iran, parle l'iranien, et dont je dirai le nom, mais qui a été bloqué, alors qu'il avait son visa à Paris, qui a été bloqué à son entrée sur le territoire iranien. L'idée, c'est qu'en réalité, ils ne veulent pas encore trop de contact avec des gens qui peuvent aller partout dans la société iranienne, sans traducteur, etc. Donc on voit bien qu'ils ont la crainte de l'ouverture, mais d'un autre côté, ils la souhaitent, car ils veulent prendre leur place dans l'équilibre régional. Et notre intérêt, c'est qu'il y ait cette évolution. Voilà. Et que nos entreprises puissent reprendre le chemin de Téhéran, même si, et j'insiste à ce propos, cela reste pour l'instant un régime très policier. Oui. Il y a eu, il y a un an, un incident très fort avec l'ambassade britannique, puisqu'ils ont rompu les relations diplomatiques, même si, aux dernières nouvelles, ils devraient les reprendre. Cameron, avec un talent de diplomate averti, avait annoncé qu'il fallait encore serrer le kiki des sanctions iraniennes. La réponse a été immédiate. C'est que des sous-factions, enfin bref, plus ou moins commandées, ont pris d'assaut l'ambassade britannique. Et c'est l'ambassadeur de France qui a récolté tous ses collègues anglais et britanniques. Il n'y a pas eu de blessés. Mais ils ont eu quand même une sacrée trouille. Ah ouais. Et donc, ça prouve bien que le régime demeure un régime policier. Il restera en dehors d'un deuxième point qui est au-delà du nucléaire. C'est bien sûr les relations avec Israël. Vous savez qu'il y avait des bonnes relations du temps du Shah. Oui. Que bien sûr, tout ça a tourné, a explosé. Les Iraniens prétendent aujourd'hui une position anti-Israël, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un député juif au Majlis, c'est-à-dire les minorités religieuses sont représentées au Parlement iranien. Il y a un zoroastrien de Zoroastra, qui est, vous savez, l'ancien dieu d'Iran, Mazda, qui a quatre éléments. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Il a la terre, ça sert les voyages. La terre, le feu, le vent et l'eau. Et dans toutes les vasques et dans tous les lieux communs, les lieux publics, pardon, en Iran, vous avez des vasques d'eau qui est un élément de la tradition Zoroastra, cher à Nietzsche. Vous avez des Chaldéens, vous avez des Arméniens, et donc il y a cinq députés qui sont des députés des minorités religieuses. Alors, ne me dites pas que c'est parfait, non, mais je peux vous dire que j'ai de visu vu des églises arméniennes à Ispahan comme à Téhéran, et qu'il y a un quartier juif à Ispahan avec des synagogues et donc le culte est respecté. J'ai même d'ailleurs rencontré, mais c'était à Paris, le député juif de... Bon. En revanche, bien sûr, ils estiment qu'Israël est un État qui est un État occidental. Voilà. Et donc là encore, il va falloir qu'ils comprennent que pour avoir des relations apaisées avec, entre guillemets, les pays occidentaux, j'aime pas trop cette formule parce qu'elle est trop réductrice, il va falloir aussi une reconnaissance implicite ou explicite d'Israël, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les théories officielles, puisqu'il n'y a aucun contact. Je vous signale que nous sommes sur Radio Courtoisie, dans l'émission du Libre Journal de la France Libre, dans nos studios, Jacques Myard, député de la Nation, maire de Maison Lafitte, président du CNR, Jean-Pierre Vesperini, professeur de sciences économiques, ancien membre du Conseil d'analyse économique qui travaille pour Matignon, et je vous citais tout à l'heure son dernier ouvrage, L'euro qu'il faut absolument. Je voudrais revenir un peu sur un problème en Irak. Personne ne parle du pouvoir actuel. Alors, le pouvoir actuel, c'est Maliki. Le pouvoir, il a gagné les élections, mais il s'est mis à dos tous les sunnites par son ostracisme. Car il ne faut jamais oublier que l'Irak, sur le plan religieux, c'est des sunnites. Il y a des chrétiens, bien sûr, il y a des Kurdes qui sont musulmans, mais encore qui sont, à mon avis, plus dans la tendance sunnite. Vous avez des chrétiens, et puis vous avez des sunnites et vous avez des chiites, qui sont d'ailleurs les chiites majoritaires. Même si ils ne sont pas totalement inféodés à l'Iran. Il y a un ayatollah qui est un ayatollah puissant de Homs et qui est un homme extrêmement prisé, notamment... Tant en Irak qu'en Iran. Je crois que c'est l'ayatollah, que je ne dis pas des bêtises, de mémoire, qui s'appelle Al-Sassani. Oui, ça doit être ça à peu près. Mais je n'ai pas son nom écrit ici et je ne pourrais pas vous le dire avec une précision. Mais c'est un ayatollah puissant, très écouté. Paraît-il même qu'on nous a raconté, je tais mes sources, qu'un jour, il y avait un point de savoir si les élections devaient se faire dans des élections dans les circonscriptions, si l'attribution des sièges devait se faire au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. Chose ô combien technique. Oui. Et cet ayatollah, un jour, a pris position. Et tout le monde a dit, bon, ben d'accord, on suit cette solution. Terminé. Y compris des Irakiens extrêmement mécréant, à la limite non croyant. Il dit, mais on respecte cet ayatollah. Et donc, l'actuel Maliki, l'actuel Premier ministre, qui malheureusement est un homme qui visiblement est un peu sectaire, qui est soutenu par les Iraniens parce qu'il a gagné les élections. Parce qu'il y a un point important qu'il faut regarder également en Iran, qu'on a un peu de temps à perdre et qui n'est pas toujours la règle dans les pays sunnites. Certes, peuvent candidater aux élections ceux qui ont reçu l'aval du guide suprême, mais les élections, elles ont lieu. Tous les 5 ans, vous avez des élections au Parlement, vous avez des élections présidentielles. Alors, ça reste dans la famille, c'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, moi je suis candidat, mais je ne crois ni en Dieu ni en diable, à mon avis, là, vous n'avez pas de chance d'y arriver. En revanche, si vous êtes effectivement dans l'idéologie, la religion dominante, et que vous avez référence et révérence au guide, à ce moment-là, il y a des élections. Et l'Iran, de ce côté-là, homme-femme, est un État démocratique. Je suis désolé. Un État, certes, où la décision ultime va être celle du guide, qui va donner une fatwa, etc. Mais la théologie laisse cependant une très grande liberté aux aux Iraniens. Et il y a dans chaque ville, il y a à la fois un représentant central, mais il y a aussi des autorités locales. Donc on n'est pas face à ce que pouvait être le Boubarak en Égypte ou le Ben Ali en Tunisie. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, pour revenir Maliki, les Iraniens disent, mais il a gagné les élections. Il a gagné les élections, donc c'est lui, il est là. Lui. Mais il faut reconnaître, et tous les experts reconnaissent, qu'il est visiblement d'une maladresse insigne, oui. Et qu'il a coalisé contre lui cette espèce de conglomérat hétéroclite de sunnites, bassistes et tribus, qui a fait qu'ils ils ont failli prendre Bagdad. Dites-moi, il est, comment dirais-je, il s'inquiète un petit peu, ce chef de l'Irak, il s'inquiète un petit peu du fait que la France ne veuille pas engager de négociations, de discussions avec lui, et il est prêt à nous ouvrir les portes de son pays. Et pourquoi il... Les relations avec l'Irak en termes économiques, il y a monte en puissance actuellement. Simplement, ce qui doit actuellement gêner, je dirais, les échanges commerciaux, c'est quand même la situation sécuritaire. Oui. Car vous avez toujours des attentats suicides de la part de sunnites ou de la part d'Al-Qaïda, et que, bien évidemment, cela freine. Ensuite, je ne suis pas certain que ce sont des pays dans lesquels où les règles de concurrence jouent à plein. Alors, juste, je parle de ça juste pour une chose, c'est que ce pouvoir nous a contactés, lance un message pour être mieux vu des autorités françaises. Mon rôle s'arrêtera là. Je passe donc le message de ces gens. Non, mais c'est vrai que moi-même, il m'est arrivé, avant Maliki, d'avoir des contacts avec l'Irak, et qu'ils sont très désireux d'ouvrir leur marché à des sociétés qui ne soient pas exclusivement américaines. Le dialogue en raison de ce qui s'est passé, parce que les Américains sont les Américains, et bien évidemment, ils ont engagé tous les marchés, etc., de reconstitution de l'Irak. Mais, et les Irakiens souhaitent une diversification. Régulièrement, nous recevons des délégations à Paris, au Parlement, pour essayer d'ouvrir les négociations. Mais actuellement, la situation devient quand même un peu problématique. Voilà. Donc, c'est quand même... Ce sont des pays difficiles, ce sont des pays qui ont de l'argent parce qu'ils ont du pétrole, mais ce sont des pays qui ne sont pas encore stabilisés. Donc, il faut quand même regarder ce qui s'est passé en Irak. Mon rôle était de passer le message, je passe le message. Il nous reste 4 minutes, vous savez, le temps est passé très vite, c'était très intéressant. Il y a quand même quelque chose, il y a eu une décision, la CEDH valide l'interdiction pour l'histoire de la burqa. Je crois que vous êtes un petit peu, vous étiez d'accord avec Oui, mais. C'est effectivement, vous savez, c'était la phrase de Giscard d'Estaing à l'égard du général de Gaulle, oui, mais. Pompidou avait dit l'art de gouverner est l'art d'éliminer les mais. et donc, à ce titre, effectivement, la décision, l'arrêt de la CEDH, c'est-à-dire de la Cour européenne des droits de l'homme, est parfois quand même un peu inquiétante. Ils ont validé la décision de la France d'adopter une loi interdisant le voile intégral sur tout le territoire en utilisant un argument, il y avait plusieurs arguments. Premièrement, l'argument de la sécurité, ils ne l'ont pas repris. Ah bon, sic. Deuxièmement, ils ont surtout acté le fait du vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire estimant qu'effectivement ça portait une atteinte, le voile intégral, à cette espèce de volonté d'être des citoyens et de vouloir vivre ensemble. L'arrêt fait 90 pages, je l'ai parcouru, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais je suis un peu étonné des arguments de la CEDH qui est un peu, non pas tiré par les cheveux, mais ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'en réalité, l'arrêt de la CEDH est un arrêt qui est rendu par une multitude de juges, et ça pose le problème, multiples juges avec des nationalités très diverses, un Finlandais, un Letton, un Lituanien. En quoi des lois structurelles de la France peuvent être jugées par des gens n'ont pas la sensibilité du peuple français, qui ne savent pas ce qu'elle est la tradition du peuple français, même s'ils peuvent la comprendre. Donc moi, là, je pense qu'il y a un vrai problème sur la CEDEH et que ce genre de loi ne relève pas de la CEDEH. Qu'il y ait que la CEDEH juge le fait que si jamais on a torturé dans un commissariat, il la condamne, oui. Mais lorsqu'il s'agit de lois qui représentent la projection de ce que se fait d'un peuple tout entier, à mon avis, ça ne relève pas de la CEDEH. Et je crois très franchement qu'un jour ou l'autre, comme le demandent les Anglais d'ailleurs, mais comme le demandent de plus en plus de juristes français, on remet en cause ce rôle-là de la CEDEH. Je vous remercie. Je remercie donc Jean-Pierre Vesperini d'être venu. Je rappelle son livre « L'euro », il faut que chacun le lise. Non, mais ce n'est pas de la publicité, c'est uniquement pour rendre service aux auditeurs qui l'achèteront, parce qu'ils vont comprendre, en effet, en définitive, ce qu'ont les méfaits de l'euro. Je remercie le député Jacques Myard. Vous avez tous les deux, messieurs, en tant qu'homme de l'art, fait un numéro d'équilibriste extraordinaire et nous avons appris beaucoup de choses. Auditeur qui est en vacances, bonne fin de vacances et à dans 4 semaines. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la France libre dirigé par Henri Foucroux. Émission préenregistrée le 23 juillet 2014. Elle est diffusée mardi 19 août 2014 de 18h à 21h, mercredi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.